Dance Floor. Bienvenue, c'est Kev. Allez, on est parti pour la dernière. On est jeudi, c'est Kev. Moi, c'est voilà, on est dans le Before Dance Floor. J'espère que vous allez bien. Voilà, je sais pas pourquoi je pense à avec ça. Voilà, je sais pas, voilà. Amis aux Marseillais, on est là jusqu'à 21h aujourd'hui. Comme d'habitude, les amis des infos insolites, on va vous faire passer vos tubes que vous aimez. Voilà, vous me demandez aussi des chansons sur Facebook, Kevin Hardy. Voilà, donc n'hésitez pas, vous me demandez, on vous les passe. Bon, pas là immédiatement quoi, mais on les note et au moins dans nos playlists, on les met pour Radio Mixer. En tout cas, bienvenue tout de suite, les amis. Vous connaissez ce son, c'est Soprano, Je suis en feu. Putain, les amis, j'ai déjà envie de taper dans les mains quoi. J'ai le son dans les oreilles déjà. S'il vous plaît, la production, on peut monter le son. Pourquoi ils veulent pas? Là, non, ils veulent pas les amis, parce qu'ils savent très bien que je m'en dis à chaque fois. S'il vous plaît. N'importe quoi, allez, on est parti, les amis. Je suis chaud. Comme Zinedine Zidane. Je suis en feu.

moving so phenomenally. Come on back the way we rock it. So don't stop that. Welcome les amis, bienvenue sur le Before Dance Floor, c'est Kev, on est là jusqu'à 21h. Radio Mix Floor. Un max de son Dance Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Allez, j'ai trouvé une petite astuce pour ceux qui ont du mal à avoir une érection, les amis. Eh oui. Merci la production, le bruitage magnifique. Ah là là, les amis, on s'y croyait. Là, pour ceux qui ont du mal à avoir une érection. Excusez-moi, n'importe quoi. Alors pour ceux qui ont du mal à avoir direction, donc il y a une araignée, donc l'araignée banane. Voilà, donc elle a un venin évidemment super puissant, très dangereux. Donc elle se trouve dans les pays chauds, hein, donc en Amérique, Amérique du Sud, voilà précisément. Donc surtout au Brésil, l'animal. Donc c'est carrément l'animal, quoi. C'est une araignée et quand elle vous pique. Bah vous pouvez avoir une érection pendant des heures. Et à ce qui paraît, c'est vraiment gênant et très dangereux d'avoir une érection pendant des heures. Avoir une érection pendant des heures, les amis, j'imagine le truc. Donc ceux qui ont des problèmes, je vous conseille, on vous achètera avec Radio Mix sur une araignée banane. Évidemment, donc évidemment après vous démerdez. Hein. Nous on n'est pas conséquent. Si vous pendez pendant au moins 4 heures, voilà. Bref, en tout cas, bienvenue sur Radio Mix Floor. On revient juste après ça, ne bougez pas. Évidemment, dans quelques instants, on se fait le top 5 des films les plus vus au monde. Voilà, ne bougez pas, on arrive. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Bientôt, la justice aura son chiffre, les 7 mercenaires. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. Vous êtes en quête de vengeance. Je suis en quête de justice, mais la vengeance, ça m'ira. Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Combien d'hommes, vous disiez ? Les 7 mercenaires. 7 flingues pour un film de légende. Le 28 septembre au cinéma. L'Inox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook. Inox Club. Radio Mix Floor. Vous avez toujours été pressé. Bien plus pressé que ça. C'est ça. Vous coupez court, vous rendez-vous chez le dentiste. C'est bon, merci. Je remplirai moi-même le trou. Vous attendez rarement les autres, moins pressé que vous. Est-ce que tu veux bien m'épouser quand ? Et quand vous voyez une barrière de passage à niveau qui se ferme, vous n'hésitez pas, vous. Accélérez, ouais, forcément, ils ont... Sur les rails, le danger est plus rapide que vous. Soyez attentifs au passage à niveau. Respectez le code de la route. Ceci est un message de SNCF et de la sécurité routière. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. About to land after

demi-mot pardonner. Mais c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais à coup pas. Allez, bienvenue sur Radio Mixler, c'est Kim, on est dans le Before Dance Floor à 20h21h, l'émission qui vous donne des informations insolites, qui vous fait rigoler, qui vous passe les bombes Dance Floor. Et oui, on est juste avant la libre antenne, ça fait plaisir. Merci en tout cas à vous. Il y a Robert qui vient de m'envoyer un message, merci Robert à toi. Coucou Robert, nous avons Amandine également, coucou à vous tous. Tout de suite, Bob Sinclair. Bob Sinclair sur Radio Mixler, bienvenue à vous tous, c'est Kev avec vous. C'est Kev, les amis. Bienvenue sur le Before Dance Floor jusqu'à 21h. Merci à vous tous d'être fidèles à cette émission. Et juste après, c'est la libre antenne. Mais en tout cas, c'est le Before Dance. Bienvenue tout le monde. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Allez, on est parti pour le top 5 des films les plus regardés. Donc voilà, donc l'étude a été faite sur Allociné. Voilà, donc en cinquième position, nous avons Gran Torino. Je sais pas si vous connaissez, mais moi je ne connaissais pas. Donc voilà, donc en quatrième position, nous avons La Liste de Schindler. Voilà, donc c'est une évocation des années de guerre avec Oscar Schindler, d'accord. Donc l'industriel autrichien rentré à Carmélie. Bref, ça parle d'un film de guerre. Et en troisième position, nous avons Didier Yongo, Une Chinaide. Ensuite, nous avons... Excusez-moi, parce que... Là... Excusez-moi, les gars, parce que... En deuxième position, nous avons La Ligne Verte. Et en première position, nous avons Forrest Gump. Je vais vous expliquer pourquoi je rigole, les amis. C'est que la production, elle a fait un bon, je sais pas pourquoi, et elle m'a fait flipper en même temps. Donc je sais pas qu'est-ce qu'elle a eu. Bon bref, en tout cas voilà, en première position Forrest Gump et La Ligne Verte en deuxième position. En tout cas, bienvenue sur Radio Mix Floor les amis, c'est le Before Dance Floor, on est là jusqu'à 21h. Bienvenue tout le monde, moi c'est Kev. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your pas la même. faire pour ta life. Faut que tu t'arrêtes ici, tu t'en ailles. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. Pas besoin d'insister, tu fais semblant. Comme j'ai voix t'es pisté. Je suis chaud. Bienvenue les amis sur le Before Dance Floor, c'est Kev, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va très bien les amis. En tout cas, tout de suite, on se fait le top 10 des réseaux sociaux les plus populaires. Les amis, attention, en top 10, nous avons... Attention, je vous laisse deviner. Non, je peux pas vous laisser deviner. Nous avons Pinterest, je connais pas. Personnellement, je connais pas. Il y a 100 millions de personnes. Nous avons LinkedIn avec 100 millions aussi. Sina Weibo, ça c'est quoi ça? Je connaissais pas les amis. 176 millions. Trumble, voilà, là je commence à connaître. 230 millions. Nous avons Google Plus avec 300 millions en 6ème place. Baidu Tiba, 300 millions aussi en 5ème place. Nous avons Twitter avec 307 millions. Instagram en 3ème position avec 400 millions de personnes. Donc, tout ça c'est 400 millions de personnes actives mensuelles. Et nous avons en 2ème place Tencent QZone, je ne connais pas non plus ça. 678 millions de personnes. Et Facebook, 1,55 milliard de personnes mensuelles, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez le son à fond, parce que là, le hit que je vais vous passer, les amis, c'est un truc de malade. Bienvenue sur Before Dance Floor, c'est Kev. Regardez, montez le son, les amis, c'est parti. You and I,

J'ai compris pourquoi en fait. J'ai vu la production paniquer sur son ordinateur. J'ai envie de te caresser la chatte là. Oui, voilà. Donc, s'il y a des personnes comme ça qui nous écoutent, allez sur Skype. Il n'y a pas de souci, les copains. Gardez votre anonyme. En quatrième position, nous avons WeChat. Voilà, 650 millions de personnes. 800 millions de personnes pour Facebook Messenger. Ouais, c'est vrai, ça commence à être. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à utiliser plus Messenger que le système d'SMS sur le téléphone, je pense. Je suis pas sûr, mais bon, il faut avoir internet sur son portable. Donc voilà, ça c'est le seul inconvénient. 800 millions de personnes aussi pour WhatsApp. Voilà, donc je ne connaissais pas non plus. Et 822 millions de personnes pour le site QQ. Voilà, QQ. J'ai un peu l'air d'un con, mais c'est ça, les amis. QQ. Vous pouvez aller le voir, c'est un truc chinois, c'est vraiment de la merde. Donc en tout cas, la libre antenne. Non. Allô, c'est le micro, il marche. Bonjour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Alex. Ça va la forme? Ça va, tranquille et toi? Je t'ai vu arriver, j'ai fait putain. On était en réunion, mais c'est genre ce que tu dis mal, c'est WhatsApp, c'est pas WhatsApp. Bah ouais, mais excuse-moi Alex, quand je vois les tops, c'est impossible à prononcer, surtout quand tu vois la production. Qui se mettent à fourrir quand ouais, j'avoue quand que la production fait de la merde ce soir. Ah non, c'est bien, c'est justement c'est ce qui fait le Before Dance Floor number one dans okay, le merci. Dance Floor. Voilà, okay, ok, super. Allez, ouais, number one dans allez, le Dance allez, Floor. Allez, casse-toi avant week-end. Donc, les amis, dans moins de 10 minutes, ils sont avec nous, c'est ça, moins de 10 minutes? Il est quelle heure? Ouais, c'est ça, dans moins de 10 minutes à peu près. Ouais, c'est bon, il est 20h48. Voilà, donc merci en tout cas d'être avec nous dans le Before Dance Floor. J'espère qu'Alex, ce soir, niveau défi, c'est bon? Ça va être bon ce soir? Plus c'est bon, plus c'est long, plus c'est bon, donc on verra bien. Ça va être drôle. Je ne dis rien dans ton émission. Ah. Il faut écouter à partir de 21h. Non, ça va boum dans ta tête. D'accord, bah en tout cas, je serai le premier auditeur à t'écouter. Voilà, je serai le premier. Suceur. Allez, en tout cas, c'est le Before Dance Floor, les amis. Bienvenue avec nous. On est là jusqu'à 21h. Dans moins de 10 minutes, l'équipe de la Libre Antenne se monte avec nous. Pas de panique. Je rappelle, c'est la dernière de la semaine. On est jeudi. Bienvenue tout le monde. Bah, dis pas bienvenue, tu te casses. Bah ouais, mais y aller, on s'en fout. Bah les brooks. On s'en fout quand même, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver quand même. Voilà. Salut Kevin. Salut, Kevin. Ça va Kevin nous. Allez, bienvenue. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. À 200 mètres, tournez à droite. Il faut vraiment que je trouve un garage. Allez sur idgarage.com. Pardon ? Sur idgarage.com, comparez les devis en ligne des garagistes près de chez vous. Lisez les notes et avis laissés par les clients et prenez rendez-vous sur Internet. Oh, très bien, merci. Vous avez oublié de tourner à droite. Oh, pardon. Idgarage.com, changez d'idée sur les garages. Conditions et détails de l'offre sur idgarage.com. Top raison numéro 4 d'être Sam ce soir. Ton compte en banque, tu sauveras. Allô, Monsieur Lartaud. Thierry Piquetou, votre banquier. Il s'est passé quoi hier soir, Monsieur Lartaud? Moi, je sais. 240 euros par carte à 2h du matin, 150 euros à 4h et à 6h20, un billet d'avion pour le Bhoutan. Non, mais il y a erreur. Non, l'erreur, c'est de prendre un billet pour les antipodes quand on a une carte contre Piu Piu, Monsieur Lartaud. Sauf que moi, c'est Sam. Lartaud, je l'ai ramené de soirée hier, il se réveille, je vous le passe. Mec, c'est pour toi. Je crois que c'est mort pour le Bhoutan. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Radio Mixplore. Quand les fantômes passent à l'attaque, qui est-ce qu'on appelle? SOS fantômes. Nouvelles armes. Pourquoi c'est moi qui utilise le laser nucléaire qu'on doit tester? Tu as les bras les plus longs. Nouvelle équipe. On est les chasseurs de fantômes. SOS fantômes en 3D. Il va se passer un truc énorme. Actuellement au cinéma. Radio Mixplore, un max de son dancefloor. Un max de Como tu te llamas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te llamas. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. Ni por tu idioma ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté.